cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Khadna fi darsina al-akhir, bab qawlillahi azza wa jal, innaka la tahdi man ahbabt. Falimada dhakara hadha al-bab fi kitab al-tawhid, rahmatullah alayh. Tawattal. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية. فماذا؟ من يزيد؟ التوفيق. نعم. ما في أحد قد يملك شيئا إلا الله عز وجل. نعم. فاستفدنا ولله الحمد من هذا الباب أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا فالهداية تطلب من الله عز وجل. فسنمونتر أن القادر على كل شيء الملك سبحانه وتعالى celui qui mérite l'adoration. أما المخلوق مهما بلغ فضله كذلك منزلته عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يدعى من غير الله سبحانه وتعالى كساسوا على دومان دو لا غيدي اوتر. والعلماء بينوا أن الهداية تنقسم إلى قسمين، عند من حتى سوى لله الحمد أن يوين هداية خاصة لله عز وجل وأخرى سي اوتر شوز حتى ما ميلانج با في الحكم. نعم تفضل. ابدا بالاولى. الاولى هو هداية توفيقية والثانية هو هداية. لا لا، عند من كيسكي كوريج؟ هداية التوفيق. هداية التوفيق با توفيقية او توقيفية سي اوتر شوز. لا، هداية التوفيق بمعنى لا يملك الا الله. ما معنى هداية التوفيق؟ فالذي يريد الله سبحانه وتعالى هدايته يوفقه لاتباع الهدى، جزاء التوفيق. أي أن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء كم وزابدي يهدي قلبه. لكن لو متوفيق إلى important لأن لا دوزيام تفضل. هداية البيان. نعم، هداية البيان والإرشاد. Pourquoi les ulama ils ont employé ces deux mots, al-bayan ou al-irshad? Faddal. Al-Nabi ou al-Rusul, yad'ouna ila Allah. Tu dois faire le lien avec ma qult, anna al-anbiya ou al-rusul alayhim salatu salam, ils ont cette hidayah avec le mot bayan ou al-irshad. Indaman. Faddal. أحسنت. أن الأنبياء والرسل وكذلك سكي لزنسوي من الأنبياء والدعاة إلى الله يبينون الطريق. سا هداية البيان، يبينون الطريق. Et le fait de montrer le tariq c'est une hidayah. أي il montre la guidée aux autres. C'est pour ça que les ulama ils l'ont appelé هداية بيان وإرشاد. Vous connaissez le mot رشد c'est la guidée. والبيان c'est le fait de montrer. هؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى رأسهم الأنبياء والرسل et tous ceux qui les ont suivis في هذا dans l'appel à Allah سبحانه وتعالى ils montrent le chemin. C'est ça le bayan. Donc la première متعلقة بالقلوب أي c'est Allah qui guide qui il veut. Et la deuxième c'est le fait de montrer. Allah سبحانه وتعالى il a montré في القرآن. Il a révélé le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, il a appelé les gens à la guider. Wa hakada ceux qui l'ont suivi min ashabihi radiyallahu anhum. Et jusqu'à aujourd'hui, les savants et ceux qui suivent les savants, walillahi alhamd. Hidayatu tawfiq. Ou al-qaboul, elle est khassa billah. Il n'y a que Allah qui peut guider les cœurs. Il n'y a que Allah qui guide al-bashar. Et en d'autres mots, pour que vous compreniez bien, la première, on ne va pas dire première, deuxième, roubama, ça se mélange. Hidayatu al-bayan, que les messagers, alayhim salatu salam, y montrent, ça c'est le fait de montrer. Ça ne veut pas dire qu'il acceptera. C'est un sabab. Et hidayatu القلوب هداية التوفيق والإرشاد هذه c'est le fait d'accepter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré à son oncle هداية بيان, il lui a montré la guidée. Est-ce que son oncle il a accepté là? Donc tout ça, ça nous montre أنه الواجب على جميع المؤمنين, c'est de placer leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, d'espérer la guider min Allah azza wa jal, et ne pas placer une cause, un sabab, plus haut que sa place. Là, par exemple, al-anbiya, ils ont montré, كذلك العلماء, ils montrent, كذلك الدعاة إلى الله, ils font des efforts pour montrer. أما le fait d'accepter, فهذا c'est بيد الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. هذا خلاصة هذا الباب اللي مهم. نعم, واليوم نأخذ بابا جديدا. من يقرأ كيف يقرأ الباب الجديد؟ أحسنت. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب il est très très important. Après avoir montré le tawhid عليه رحمة الله, et avoir montré son contraire, et avoir montré شبهات أو بعض شبهات المشركين et tout ce qu'il y a الشفاعة إلى آخره, et كذلك avoir montré أن المخلوق لا يستحق العبادة. لماذا؟ لأنه il possède pas la guidée, il possède pas le bien ou repousser un mal. فرحمة الله عليه il a cité هذا الباب. Et vous allez voir qu'il y a une munasaba azima. قال العلامة الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد, بين الشيخ رحمه الله فيما سبق من الأبواب أصولا عظيمة وأقام البراهين على التوحيد وبين ما يتعلق به المشركون أي الشفاعة بعض, وكذلك nous a démontré des براهين عظيمة preuve في التوحيد أن الله celui qui possède tout, celui le créateur, donc celui qui mérite l'adoration. Plusieurs fondements qu'on a vus fi tawhid depuis le départ de ce livre. Wa abtala usul i'tiqadihim bil-shirk aw adh-dhahir aw ash-shafi' wa nahwa dhalik. Na'am. On avait lu ensemble des versets min kitabillah azza wa jalla que Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab il a cité rahmatullah alayh, et on avait lu كذلك كلام al-Imam ibn Taymiyyah et كذلك son élève ibn al-Qayyim alayhim rahmatullah. Thumma qala fa idha kana at-tawhid dhahiran والأدلة عليه من النصوص بينة فكيف إذن دخل الشرك. Il pose cette question. Et si on a compris que le tawhid en réalité c'est clair, الشرك c'est très très grave et Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit, c'est le plus grave des péchés. كذلك في القرآن الكريم tu trouves des preuves qui montrent la shubha que jami' al-mushrikin ils ont, annahum ils demandent à leurs idoles, aux morts, à certaines créatures l'intercession al-shaba'a, Allah subhanahu wa ta'ala abtala هذا التعلق. On peut se poser la question الآن كيف وقعوا هؤلاء في الشرك نسأل الله السلام والعافية. Et comment ils ont fait هؤلاء pour faire du shirk après tout cela? Bien sûr la guidée c'est بيد الله عز وجل, لكن il y a des causes. قال حفظه الله فما سبب وقوع الشرك وكيف وقعت فيه الأمم. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé des livres. À chaque ummah il a envoyé un messager alayhi salatu. Il a envoyé un messager azza wa jalla. Chaque ummah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-ta'ut. Ma'a hadha tu trouves kathir min al-umam waqa'u fi ash-shirk. Qala wa lil ajwiba ala hadhihi al-as'ila awrada ash-shaykh rahimahullah في هذا الباب وما بعده ليبين أن سبب الشرك وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله جل وعلا عنه. Pour répondre à toutes ces questions qu'on peut se poser, المؤلف رحمه الله il a cité ce باب. Et كذلك les deux أبواب qui vont suivre. Il a cité trois chapitres في ما يتعلق بالغلو في الصالحين. لماذا il a cité cette mas'ala, il n'a pas cité autre chose. لماذا لأن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك à cause de هذا السبب. Aye, exagéré envers l'awliya, envers les salihin, aye, les pieux, que ce soit des savants, que ce soit des prophètes, que ce soit des anges. فكثير من الناس غلوا في هذا الباب, ils ont exagéré tellement qu'ils aimaient ces morts, tellement qu'ils aimaient ha'oula al-anbiya wal-ulama ila akhire, ils ont dépassé les limites, et c'est ça le roulou, et iyadan billah waqa'u fil mahdour, waqa'u fil kufr al-sarih. Qala wa naha anhu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fa ahadu asbab wuqu' al-kufr wa shirk huwa al-ghulu fil salihin bal huwa sababuha al-a'zam. Il y a plusieurs causes et qui ont poussé certains à faire du shirk, parmi ces causes d'ignorance, parmi ces causes l'entêtement, parmi ces causes de suivi aveugle, parmi ces causes l'orgueil, parmi ces causes le rejet de la vérité. Laquelle la plus grande cause et la plus répandue, c'est l'exagération. Al-ghulu ay fi as-salihin intaha kalamuhu hafidhahu Allah bi shay' min at-tasarruf. Ay al-kalam la résumé. Donc al-ghulu c'est min a'zam al-asbab. Et on ne traduira pas d'aïman l'exagération. On va citer un tarif, sahl, et on emploiera ce mot al-ghulu. Et inshallah, ceux qui ont écouté le dar, ceux qui ont suivi, bah, ils comprendront ce mot. Et ça, c'est min fawa'id. Hadihi ad-durus bi-idhnillahi azza wa jal. On s'efforce à parler arabe, surtout les mots qui reviennent souvent, et des mots simples, et des mots importants comme ce mot al-ghulu. Tu n'as pas besoin de dire exagération d'aïman si tu as compris ce mot, bien sûr, sauf si tu parles à des personnes, tu leur expliques. Wala yafhamuna al-arabiya. Amma anta akhil kalim, pour faire des efforts, habitue-toi à placer ce genre de mots dans tes phrases. Khasatan fi ad-dars. Al-an, si je pose une question à wahid, c'est quoi le plus grand sebeb qui a poussé les communautés à faire du shirk? On n'a pas besoin de dire l'exagération. Là, tu dis al-ghulu. Tu as compris ce mot, ou tu vas le comprendre si tu ne l'as pas compris avec le ta'rif, et tu vas avancer dans la langue arabe. Hakada le mot, mathalan, communauté. On n'a pas besoin de dire communauté. Si on a compris le mot ummah, la plus grande cause qui a poussé des gens à faire du shirk dans cette ummah, dans cette communauté, c'est al-ghulu. Hakada, tu verras que mot après mot, tu vas progresser. Inch'Allah. Amma ta'rif. Fayaqul ahlul ilm. أن الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد. الغلو في اللغة c'est dépasser les limites. Quelque chose qui dépasse les limites. Ça c'est من حيث اللغة. أما dans notre sujet التوحيد هنا فهو تجاوز الحد الواجب في تعظيم أي هؤلاء الأولياء وأطر حتى آل الأمر بهم إلى الشرك أي dépassé les limites dans quoi dans l'amour dans le حق de ce مخلوق لأن الصالحين أو الصالحون ils ont un حق الأنبياء والرسول ils ont un حق عظيم on doit les suivre on doit les aimer on doit les respecter on doit nous دافع عنهم etc الأولياء العلماء on doit les aimer on doit faire دعاء pour lui ils ont des حقوق sur nous nos parents ils ont des droits enfin, celui qui dépasse les droits et légiférer de ces créatures, il tombera dans l'exagération. Imma madhan, imma qadhan. Imma, il va exagérer tellement qu'il les aime, il a akhri. Enfin, il va les élever au-dessus de leur place. Imma, il va exagérer dans l'autre sens, en les critiquant, en les insultant, et il ne leur donnera pas la place qu'ils méritent. C'est pour ça que notre umma, c'est la umma du juste milieu. Et on doit s'écarter de al-ghulu. Et ce ta'rif, كثير من العلماء ils l'ont cité, il est cité في التمهيد ou في القول المفيد dans ce sens. Enfin, celui qui veut un ta'rif في الغلو, il revient au شرح وأظن تقدم معنا في القواعد الأربع أو في الواجبات. ثم il a cité رحمه الله قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. Ça nous montre أن الغلو c'est min sifat al-nasara al-mushrikin. Pourquoi ils se sont égarés? Les annahum, ils ont exagéré fi Isa alayhi salatu wassalam. Hatta tellement qu'ils sont allés loin, ils ont prétendu que c'est lui Allah azza wa jal, ou c'est lui le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fanharahu wa kafar. La cause c'est quoi? C'est al-ghulu. Ça nous montre que le juste milieu c'est très très important. Aimer l'anbiya, c'est un fondement de notre dîn. Celui qui déteste un nabi, ayyadam billah, c'est pas un mu'min, c'est pas un musulman. Lakin, on doit faire attention de ne pas dépasser les limites. L'anna shaytan, comme azayati ma'ana, inshallah, il fait tout pour égarer l'ibad. Et quand il voit que wahad, il aime le dîn, il aime l'anbiya, il aime le rasul, il aime l'ulama, le shaytan, ahyanan, il fait tout pour l'égarer par cette porte, et en exagérant. Et quand il voit l'axe, واحد qui donne pas trop d'attention au dîn, il a agré, Obama il essaie de lui mettre une choubha, hatta il déteste le dîn et il insulte le dîn. Al-hadar, dans les deux sens, c'est très très grave. Qala al-allama al-shaykh Salih al-Fawzan, hafidahu Allahu ta'ala, ay fi munasabat al-aya lil-bab an-nahyi ani al-ghulu mutlaqan, fa yashmal al-ghulu fi as-salihin. Ça englobe al-ghulu dans tous les domaines. Que ce soit via l'anbiya ou via le rasoul ou via le malaïka ou via le salihin, on n'a pas le droit d'exagérer. قال والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. Même si le verset il parle عز وجل de أهل الكتاب, que ce soit les Yahoud ou les Nasara, mais en fait, il nous concerne aussi. Ce qui a conduit au shirk, les Yahoud ou les Nasara, c'est le ghulou, on n'est pas à l'abri, donc on doit faire attention. C'est pour ça que les histoires que Allah subhanahu wa ta'ala, les récits qu'il a cités Azza wa Jal dans le Coran Karim, que ce soit ma yata'alaq bil Yahoud ou les Nasara, ou le peuple d'Ibrahim, ou qawm Lut ou Nuh, قوم موسى عليهم الصلاة والسلام جميعا الحقيقة ينعبرة pour المؤمنين c'est pas des histoires qu'on se raconte à Gada là ينعبرة et ce qui les a poussés à l'égarement ceux qui ont combattu leurs messagers et leurs prophètes tu dois en tirer des leçons ayyuhal mu'min c'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri de l'orgueil on n'est pas à l'abri de le roulou l'exagération on n'est pas à l'abri de l'ignorance on n'est pas à l'abri des passions on n'est pas à l'abri de beaucoup de choses. Lakin dans les histoires, fi qasas haoula ibra li ouli al-albab. Ceux qui réfléchissent, ceux qui veulent haq, qui sont objectifs, il y a des ibra, et des leçons à tirer, des leçons profitables dans les histoires de haoula. Enfin, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a cités dans le Coran. Pour qu'on médite, nous, on ne fait pas les mêmes erreurs qu'ils ont fait haoula. Et parmi leurs erreurs, ils ont exagéré. فَنْحَرَفُوا وَمَفَاسِدَ الْغُلُوا كَثِيرًا. Et les méfaits du rouleau d'exagérer. Il y a beaucoup de méfaits. Zakara, wa'adaha, al-allamatu, al-shaykh ibn Uthaymeen, rahimahullah, fil qawl mufid, qala, yatadhamma al-mafasid kathira, ay al-ghulu. Minha, annahu tanzil lil-maghloufi. Al-maghloufi, c'est la personne, mathalan, fulan, il exagère sur un tel. Ou envers un tel, mathalan, al-Nassara, ils ont exagéré envers Isa. Ou de cette Ummah, ba'dahum, ils exagèrent sur certains pieux, certains savants. C'est al-Maghloufi, c'est. Tu as deux personnes. Tu as celui qui fait le rouleau, al-Ghali, et tu as celui qui fait, ou celui qui reçoit, entre guillemets, ou il subit. Al-Maghloufi, qala. أنه تنزيل للمغلوفي فوق منزلته إن كان مدحا وتحتها إن كان قدحا. وتأمل حال اليهود مع المسيح عليه الصلاة والسلام. طعنوا فيه. Ils l'ont critiqué, insulté, accusé, حتى ils l'ont rabaissé, عياذا بالله. وتأمل حال النصارى مع المسيح. عليه الصلاة والسلام. Alors, ils ont exagéré ila akhiri, hatta ils l'ont élevé au-dessus de cette place azima que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Ay, al-risala, al-nubuwa. Hatta ils ont prétendu que c'était Allah. Et certains d'entre eux disent que c'est le fils d'Allah azza wa jal. Thaniyan, annahu yu'addi ila ibadati hadha al-maghloufi. Kadhalik, ça pousse à adorer ce pieux ou ce prophète. Non, les personnes, ils exagèrent envers lui. Très, très grave. Et ibadatu ghayrillahi azza wa jalla, c'est du shirk. Thalithan, annahu yassud an ta'zimillah, li'anna an-nafs imma an tanshaghil bil batil ou bil haqq. Et ça, c'est une faïda importante. Al-insan, s'il exagère envers une créature, mubalagha wa ghulu, et il ne fait pas attention, فربما تعظيم الله ينزع من قلبه. لأن كما قال شيخ العثيمين, l'insan il a qu'un cœur. Si ce cœur il est occupé avec le haq, alhamdulillah, s'il est occupé par le batil, il n'y a plus de place pour le haq. Ceux مثلاً qui adorent Isa ibn Maryam et qui ont exagéré, كالنصارى, فلا يعظمون الله. Tu les entends, ils invoquent et ils parlent, et leur sujet de discussion, leur ibad, leur din, il est fondé sur mahabbat al-Masih alayhi salatu wassalam. Wa Isa ibn Maryam tabarra'a minhum. Il n'a rien à voir avec eux. Lakin, انظروا, quand ils se sont occupés avec le batil, ay ibadat ghayrillah, ils ont oublié Allah azza wa jalla. Celui qui exagère envers une personne, que ce soit dans l'ibad, ou dans le suivi, ou dans le mahabbat, tu verras qu'il s'écartera du haq. Ta'ammal ceux qui exagèrent envers les imams. من المتعصبة متعصبة المذاهب par exemple, بعضهم tellement qu'ils exagèrent sur certains imams, ربما ils citent plus le prophète صلى الله عليه وسلم. بل tu peux lui citer un dalil dans une مسألة, il n'en tient pas compte. كأن الحجة, et ce qu'on recherche c'est la parole de cet imam, alors que là la parole de l'imam elle nous aide à comprendre سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Enfin, le but c'est le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم, pas de l'imam en lui-même. C'est quoi qui a poussé les gens à délaisser l'essentiel? C'est le rouleau. قال رابعا أن المغلوفي إن كان موجودا فإنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بها. Et ça, ça concerne quand واحد il exagère envers une personne et cette personne elle est vivante. Et ربما elle est présente. Et peut-être qu'il dit des choses devant lui, من المدح والمبالغة, des compliments, et il exagère. ربما هذا الإنسان يغتر بنفسه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit هذا. المدح, complimenter son frère en face de lui, alors qu'il n'y a aucune حاجة. لا. هذا ça fait du mal à celui qui est complimenté. خاصة quand c'est fait avec de l'exagération. هذا لا يجوز. On n'a pas le droit d'exagérer, que ça soit sur un vivant ou un mort. الحقيقة c'est pas lui rendre service. لا. Même s'il a du خير. Que ce soit من حيث العلم ou l'ibada ou l'akhlaq, ou il a fait du khair, et tu connais ces choses, T'as pas besoin de awlan les citer devant lui sans haja, rubbama yaghtar, et mimbabi awla faire attention à ne pas rajouter, exagérer. Là, al-insan yahmadillah yashkurullah, il fait du'a pour son frère ou pour ce savant, annahu أن الله سبحانه وتعالى يثبته على الحق حتى الموت. لأن كم من الناس يسون فيفون يسون على خير ثم à cause de cette exagération de certains ربما يغتر بنفسه يسقط. Et parmi les causes de l'égarement c'est que بعض الناس يزجاجر حتى هذا المغلوفي يظن أنه il est على الشيء أنه il peut plus être touché par les critiques, il écoute plus les conseils, il est malade لأن il a un public qui le complimente, qui exagère, qui l'ont élevé au-dessus de sa place, et il n'écoute plus. Nasihat al-nasihin. Et ça, c'est une musiba. Al-hadar min al-ghulu. Et il y a beaucoup d'autres mafasid, lakin, kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, il est résumé, wa yakfi huna. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah, wa fi al-sahih, Ali ibn Abbas, radiyallahu anhuma, fi qawlillahi ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum, ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم عيادا بالله. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أي في مناسبة الأثر للباب أنه يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله أنهم ils ont exagéré. هؤلاء استد الصالحون في قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر استد الصالحون لما ماتوا quand ils sont morts أوحى الشيطان. Ça, ça montre que le shaitan, il fait tout pour égarer l'ibad min hadha al-bab. Et quand wahid il a une manzil azima, ne pense pas que l'égarement c'est que de l'insulter, de le trahir. Là, il y a un autre bab, c'est l'exagération. Fa l'insan yahdhar. Le juste milieu, l'adl, être juste. Fa shaitan, il leur a fait croire annahu c'est tayyib de ne pas les oublier. Fa pour se rappeler, vous les représentez avec leur nom. Sous forme d'image. Fulan wa fulan wa fulan. Qala fa fa'alu wa lam tu'bad. Limala li anna au départ ces idoles. Lana c'est devenu des idoles. Et ubidat min dunillah. Ma'a anna hum c'est des salihun hum. Lakin limada wa'ad annas futinu. À l'époque, ceux qui ont fait cela, ils savaient. Ils savaient que c'était des salihun. Et ils ne les ont pas adorés. Lakin ils ont ouvert le bab. C'est l'exagération, le fait de les représenter. Thumma. لَمَّا نُسِيَ الْعِلْمِ. Ça, ça nous montre la gravité des représentations. خَاصَّةً الصَّالِحِينَ الْعُلَمَا. لَنَا aujourd'hui, رُبَّمَا, les gens, ils savent et ils ne prêtent pas trop d'attention à Adam. رُبَّمَا, une génération, elle vient après. وَتَغْتَرْ بِتِلْكَ الصُّوَرْ, ces représentations, ces images. Et, عِيَدًا بِاللَّهِ, رُبَّمَا, ils exagèrent. Et la cause, c'est celui qui a pris cette photo, qui a fait cette représentation. Après une certaine époque, عُبِدَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, ils les ont adorés. Et les générations qui sont venues après. Les mains, quand ils sont venus, ils ont trouvé ces représentations, ils n'avaient pas l'ilm des premiers. Le shaitan, il a trouvé la porte ouverte et il leur a fait croire que c'était bien de ne pas les oublier, de les visiter. حَتَّى عَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. قَالَ الْعَلَامَ شَيْخ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي فَتْحِ الْمَجِيدِ. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا. Ça, ça nous montre que la bonne intention, c'est pas suffisant. Voilà, واحد il a une bonne intention pour ne pas les oublier. On met telle chose, بعضهم مثلا sur les tombes ils mettent des fleurs, بعضهم ils mettent le nom, بعضهم ils construisent avec une bonne intention. لكن ça suffit pas. La bonne intention, لكن لابد من علم. لابد de savoir est-ce que ce fi'l c'est une sunna ou la? Est-ce que c'est légiféré ou la? Est-ce que c'est un bien ou un mal? Enfin, si c'est un mal, si c'est une bid'a, si c'est une wasila ila shirk, une porte ouverte pour le shirk, on n'a pas le droit de le faire, même si l'insan a une bonne intention. Enfin, ça ne suffit pas la bonne intention. Et tu as des preuves fi hadha al-bab. Anna kathir min al-nas qui ont exagéré fi al-haqiqa, ils avaient une bonne intention au départ. Lakin la bonne intention, ça ne suffit pas. La bonne intention avec al-ilm. À faire des choses légiférées. Et celui qui a une bonne intention, quand le ilm lui parvient, il délaisse. Amma kathiran min al-nas kadhalik, qui prétend avoir une bonne intention, thumma. Tu lui montres bil kitab, wa bil sunnah, wa bil aqwal ahl al-ilm, anna hadha al-shay, c'est du shirk, ou c'est une bid'a, ou il n'y a aucune source dans notre din, et il s'entête. Ah là, ça montre anna niya fiha shay. Qala rahimahullah, Aïcha Abdurrahman, on finit son kalam. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَدْخَلَ أُولَٰئِكَ فِي الشِّرْكِ مِنْ بَابِ الْغُلُوِ الصَّالِحِينَ وَالْإِفْرَاطِ فِي مَحَبَّتِهِمْ كَمَا قَدْ وَقَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَظْهَرَ لَهُمُ الْبِدْعَ وَالْغُلُوَ فِي قَالِبِ تَعْظِيمِ الصَّالِحِينَ وَمَحَبَّتِهِمْ لِيُوقِعَهُمْ فِيمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ عِبَادَتِهِمْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ الشَّيْطَانُ عَدُوُّ اللَّهِ. Et il utilise cette méthode kathiran pour égarer l'ibad. Ils n'ont pas de limite dans certaines choses, ils dépassent ces limites et ils s'égarent. Quand on aime une personne, on doit l'aimer sans exagérer, sans dhulm, sans être injuste. Celui qui aime un makhlouq et il dépasse les limites, c'est de l'injustice. C'est pour ça que tellement qu'ils aiment son salih, ils lui demandent, ils l'invoquent, ils sacrifient. Wa ta'ammal hadha al-kalam de l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, naqalahu al-Sheikh Abdurrahman fi Fath al-Majid, wa asl al-kalam il est fi Ighathat al-Lahafan. Il va démontrer les étapes, le cheminement que Shaytan il utilise pour égarer l'ibad. Et c'est un kalam mufid jiddan fata'ammal. Qala wa mazal ash-shaytan yuhi ila ibad ila 'ubad al-qubur wa yulqi ilayhim an al-bina wal-'ukuf 'alayha min mahabbati ahli al-qubur min al-anbiya'i was-salihin wa anna ad-du'a 'indahum mustajab. Ça c'est la première étape. Vu que ha'oula, ils aiment l'anbiya, ils aiment le rasoul, ils aiment as-salihoun, al-ubbad, al-mu'minoun. Fa shaytan, il leur fait croire, awoulan, anna le fait de rester à côté de la tombe. C'est ça l'ukouf. On a déjà expliqué, ça vient du mot i'tikaf. Ay moulazamatu makan, mu'ayyan. C'est ça l'ukouf. Rester dans un endroit précis. Fa shaytan, il leur fait croire, si vous les aimez, fa restez près d'eux. Si vous les aimez, pourquoi vous laissez leur tombe, hakada? C'est que de la terre. Là, arrangez, thumma, mettez des pierres, thumma, écrivez leur nom. Al-an, ça commence, le mukhalafa. Lakin, jusqu'ici, c'est pas du shirk. C'est des mukhalafat, ou c'est un bab ouvert à certaines mukhalafat, comme al-ukuf, le fait de rester sans aucune raison. Thumma, wa anna du'a indahum mustajab. Aïe, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de shirk. Il y en a du'a, ibadah. Lakin, le shaitan, il leur fait croire, anna, ce du'a, c'est bien de le faire à côté de ce salih. Sans lui demander, bien sûr. Ça, c'est la première étape. Thumma, s'ils répondent à Iblis et ils appliquent ces choses, le shaitan, kama ta'lamoun, la yatruk al-abd. Khutwa, khutwa. Thumma, yanquluhum min hadihi al-martaba ila du'a ibih. والإقسام على الله به فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه. هذا سيأتي معنا dans des أبواب الإقسام على الله إلى آخره. فpas besoin de détailler هنا. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله. Troisième étape, أنهم يدمندوا مور. لكن pas parce que le mort il peut donner. Ou il peut repousser un mal. Ou parce que c'est le créateur. Il demande au mort pour que le mort il demande à Allah. Et ils le prennent comme comme wasita, comme en tant que shafa'a. Hada huwa ash-shirk. Ils sont passés de l'islam au kufr. Ils ont basculé les mazes, les annahum, une adoration, un dua, ils l'ont accompli pour autre qu'Allah, c'est du kufr. Ta'ammal, alors qu'au départ, là, c'est pour ça que celui qui ferme pas abwab shirk, c'est très très grave. Et ça, ta'ati ma'ana, incha'Allah, wa'ad al-abwab dans ce kitab. Qala, fa'idha taqarra dhalik. عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا. Quatrième étape, ou la cinquième, ma adri le combien on en a cité, muhim, cette étape, annahu, si il sacrifie pour ce mort, il lui demande, ils font tawaf autour de sa tombe, il a akhiré, et des mushrikoun, et ils ont une shubha pour shafa'a, il a akhiré, l'étape suivante, annahu, ils vont commencer à appeler les autres à faire comme eux. وهذا معروف أن الشكين يلبل على صن الدين صن معتقد فالموحد يلبل التوحيد المشرك يلبل الشرك المبتدع يلبل سبيدعة كثير من الناس يزبل الغباطل فهؤلاء vont commencer à appeler. Pourquoi vous venez pas faire ziyara al-wali? Pourquoi vous sacrifiez pas? Pourquoi vous demandez pas votre enfant? Il est malade, il a akhiré. Ils font da'wa yadam billah. Après cette étape, قال فإذا تقرر ذلك et c'est la dernière نقلهم أي إبليس منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منازلهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. Dernière étape, أنهم ils vont commencer à attaquer, à insulter, à critiquer المحيطون. Et regardez Haoula, c'est des wahhabis. Regardez Haoula. Annahum, ils disent qu'il ne faut pas faire telle chose. Thumma, ils les accusent. Annahum, ils n'aiment pas salihin. Annahum, ils ne respectent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les accusations. Sha'na as-soufiya wa al-rafidha al-dullal. Vous avez vu comment ça commence et ça finit par combattre Ahlul ilm wa al-huda. Ça finit par combattre Al-Qur'an wa al-sunnah. لأن سلوك كومبات التوحيد كومبات الكتاب والسنة عيادا بالله. انتهى كلامه ورحمه الله. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يأتي خطوة خطوة. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى son messager صلى الله عليه وسلم ils nous ont démontré de faire très très attention فيما يتعلق بالشرك. De ne pas ouvrir les portes. Parmi ces portes qu'il ne faut surtout pas ouvrir, l'exagération. Vous avez vu, au départ, c'est de l'exagération dans un endroit, sur une personne. Thumma, ça finit par combattre le tawhid et appeler au shirk. Iyadan billah. قال عز وجل, إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. C'est un adou, c'est un ennemi, فَالْإِنسَانِ يَحْذَرُ. السلام والخير, c'est dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. Tous ces hadith صحيحة ولله الحمد. Et ces trois hadith, hadith Omar, hadith Ibn Abbas, hadith Ibn Mas'ud رضي الله عنهم, ils ont tous la même مناسبة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre l'exagération. لماذا لأن l'exagération ça ouvre un باب خطير جدا كما تقدم. قال الشيخ صالح الفوزان إن التنطع من الغلو المنهي عنه أي قوله هلك المتنطعون لأن on a plusieurs mots الآن. On a الإطراء لا تطروني كما أطرت. On a غاد الإطراء. Retenez ce mot. Tu as un autre mot, c'est le premier qu'on avait vu, الغلو. Et tu as ce mot المتنطعون أي التنطع. C'est trois mots في الحقيقة المعنى المتقاربة كما قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله في التمهيد والتنطع والإطراء والغلو متقاربة المعنى. Le sens il est proche de ces trois kalimas. Elles montrent toutes ces kalimas, elles montrent le fait d'exagérer, de dépasser les limites. قَالَ يَجْمَعُهَا مُجَاوَزَةُ الْحَدْ الْمَشْرُوَ. Toutes ces kalimates, elles montrent le fait de dépasser les limites. Et ces limites, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a instaurées, azza wa jal, fi al-Qur'an wa fi sunnat nabihi sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Celui qui dépasse les limites, c'est un zalim. Et il a ouvert un bœuf char à la نفسه. قال الشيخ الفوزان أن التنطع من الغلو المنهي عنه ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك خاصة هذا الغلو l'exagération envers les salihin, envers les ulama. قد يقول قائل فكمن فير on les aime et on a peur de tomber في الغلو العناية بالعلم. هذا العلم va te montrer les حقوق de chacun. حق الله سبحانه وتعالى c'est العبادة, c'est التوحيد. T'as pas le droit de délaisser هذا الحق ou de donner ce حق à un autre. حق النبي صلى الله عليه وسلم c'est de le suivre, de l'aimer plus que toi-même, plus que toutes les autres créatures. كذلك de propager sa sunnah, كذلك d'apprendre son dîn, كذلك de ne pas faire passer la parole d'un autre avant sa parole صلى الله عليه وسلم. Ça c'est حق النبي صلى الله عليه وسلم. Enfin, dans le hukouk du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas l'ibadah. Lui demander à offrir tawaf ou abadan autour de sa tombe. Là, tout ça c'est haram, c'est du shirk. Hukouk al-anbiya al-akharin, nuhibbuhum fillah, et on a l'aqida annahum, ils sont ala haq, ila akhir. Hukouk al-ulama, warathatu al-anbiya, c'est de les aimer. Avoir l'aqida annahum, ils ne sont pas ma'asoum. Ijma'uhum, il est ma'asoum. L'unanimité, le consensus des savants, bam, il est ma'asoum, il est infaillible. Amma ahaduhum, qawl l'imam Ibn Taymiyyah, qawl l'imam Ahmed, qawl l'imam Shafi'i, qawl l'imam Malik, alayhim rahmatullah, fa chacun, kama qala al-imam Malik, rahimahullah, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad. Illa Rasulullah, sallam. C'est ça l'aqida qu'on a, et on les aime, et nansuruhum, et celui qui les déteste, on s'éloigne de lui. Celui qui les aime, on le rapproche. On fait dua pour eux. Nos parents, ils ont des huquq, azim. On doit les aimer. Et s'ils ne sont pas à al-jad, à l'istiqama, on leur montre. Si c'est des kafara, on patiente et on essaie de leur faire da'wa. Et on est à leur service et on ne leur obéit pas. Fi ma'asiyatillah. Innama at-ta'a fil ma'ruf, qala sallallahu alayhi wa sallam. Al-wulat, wulat al-umur, les gouverneurs, ils ont des huquq, azim. السمع والطاعة الدعاء لهم والصبر على الأذى وعلى الظلم إن حصل لا يسمع لهم في معصية الله كذلك on appelle pas à la rébellion, à la révolte, à شق عصا المسلمين وهكذا. في الحقيقة chacun il a des حقوق. Tu connaîtras ses حقوق avec العلم, avec les efforts في العلم. Et avec ce علم, si tu le mets en application بإذن الله عز وجل, à chacun tu donneras son haq. Wa billahi tawfiq. Qala Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah. Bab ma jaa anna sabab kufri bani Adam wa tarkuhum wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi as-salihin. Wa al-ghulu huwa mujawazatu al-hadd bi an yaj'ala as-salihin bi an yaj'al lil-salihin min huquqillah al-khassati bihi shay. فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه وأنه لا يستحق العبادة إله والتأله أحد سواه. الغلو سر في الدد باسل ليميت. ثم الشيخ سعدي رحمة الله عليه يدمونتر أنه لا يجوز دد باسل ليميت et de donner un homme pieux, un prophète, un ange, un messager un حق parmi les حقوق d'Allah. Et حق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا. التوحيد, توحيد الألوهية, العبادة. Le fait de demander à un Nabi ou de faire tawaf autour de la tombe d'un pieu ou de leur demander la guérison ou la guider, tout ça c'est من الشرك. Et c'est de l'exagération. لأن ces choses elles sont réservées exclusivement à Allah. فلهذا قال باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. La cause, en allant, les gens, ils sont certaines personnes, ils sont tombés fil kufr et ils ont délaissé leur dîn, c'est quoi? L'exagération envers les pieux. قال الشيخ عبد الرحمن فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين وذلك أعظم الشرك. نعم, celui qui exagère envers un makhluk et lui donne une chose, il accomplit pour lui une chose qui est réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, fait la haqiqa, il le met au niveau d'Allah azza wa jal. Et هذا c'est أعظم الكفر والشرك. ومن قال ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. Et هنا il montre أن le fait d'exagérer c'est une porte ouverte pour tomber dans le shirk et délaisser le din. Et tu as un exemple في النصارى, tu as un exemple في اليهود, tu as un exemple في قوم نوح après sa mort et beaucoup d'exemples. أن سبب كفرهم وتركهم لدينهم c'est le fait d'avoir exagéré عيدا بالله. قال والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام. هذا سان كلام مفيد. Il va te montrer أن par rapport aux صالحين, aux hommes pieux, tu trouveras trois catégories de personnes. والصالحون هنا s'englobe الأنبياء والرسل والعلماء والعباد. المهم des gens qui sont à la خير. وأفضلهم لا شك سر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال لا première catégorie أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل. هؤلاء سد أشقياء عياذا بالله, أنهم إذن بل حق هؤلاء الصالحون من الرسل والأنبياء والعلماء إلى آخره, بل ils les insultent, ils les accusent, ils se moquent, ils ne les respectent pas. Là, c'est un extrême. Et par rapport à leur ta'an, فَيُحْكَمْ عَلَيْهِمْ إِذَا طَعَنُوا فِي الْأَنْبِيَ وَالرُّسُولِ ils se moquent, ils l'akhiri, فَلَا شَكَ أَنْهُمْ c'est des kuffars. قَالَ وَأَهْلُ الْغُلُو الَّذِينَ يَرَفَعُونَهُمْ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِمْ الَّتِي أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ بِهَا. Deuxième catégorie, c'est le deuxième extrême, أنهم ils exagèrent في المحبة وفي المتح. Tellement qu'ils les aiment, ils exagèrent, ils se limitent pour Qur'an la Sunna, ils les élèvent au-dessus de leur place. Tu as un exemple avec Nasara, l'exagération qu'ils ont eue envers Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam. Hatta ils l'ont élevé, ils ont dit c'est lui Allah. Wa'adhum yaqul c'est le fils d'Allah, iyadam billah. Et sa mère kadalik, Maryam, radiyallahu ta'ala anha, ils disent que c'est la compagne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou c'est la mère de Isa, et يعتقدون ان عيسى c'est l'ilah iyadam billah. C'est très très grave. Ma huwa sabab? C'est l'exagération. Amma Isa c'est Abdullah wa rasuluh. C'est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah et c'est un messager alayhi salatu wassalam. Troisième catégorie, ahlul haqq. الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. هؤلاء أهل الحق, هؤلاء الموحدون, هؤلاء عباد الله سبحانه وتعالى الصالحون. أنهم يزم الأولياء إيه اللي رسبكت اللي بخن كم علي et كذلك il leur donne leur haq, leur huquq, leur droit, lakin sans dépasser les limites. Et ils se désavouent de tous ceux qui exagèrent envers haoula. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Et هذا الباب il est مهم. Et en haqiqa les deux suivants ils sont liés. Enfin le prochain cours, si on peut, on essaiera de terminer et de lire les deux prochains chapitres qui concernent الغلو في قبور الصالحين. نكتفي بهذا. Et on passe à notre درس suivant إن شاء الله تعالى.